sais que c'est dur de perdre un membre que tu considères. Sur le coup t'y crois pas, puis à la longue tu désespères. La Yarahmou vient te dire, même les jaloux, ceux qui l'aimaient pas beaucoup te souhaitent quand même de taire le coup. Tout le monde respecte, toi tu te méfies et inspecte. Toutes ces condoléances pour toi elles sont trop suspectes. Comment admettre un tel assassinat devant le soir du quartier, d'une balle en plein estomac. Rancunier, donc tu recherches les coupables. Tiens le coup, prends sur toi, sinon ce sera interminable. La vengeance est un plat qui ne passe pas. L'essaye pas, car tu risques de la digérer au quart plat. Risque pas ta vie pour ta fierté. Réfléchis, vaut mieux la liberté que la perpétuité. J'ai rien à t'apprendre, je veux juste que tu m'entendes. Tiens le coup, ne charge pas, ça sert à rien de tout descendre. Chaque jour, une épreuve dans ce monde. Ne baisse pas les bras, tiens le coup, je t'entendras. La vie n'est pas tendre, des pièges elle t'entendra. Je suis un enfant de la terre, mais je veux viser la lune pour le bonheur de ma mère, pas pour avoir des thunes. Tiens le coup, même si on tient le coup. Ne jamais perdre ses coups. T'as perdu ton père ou ta mère ou ton frère ou ta sœur, ça fait mal. Et tiens le coup mon gars, avoir mal au cœur c'est normal. Chaque jour une épreuve dans ce monde. Dans ce monde. Ici pas. Et je repense à mon avenir. Mon avenir. Quand j'y repense, ça va vite venir. Mon histoire n'est pas très belle. Au paradis, elle sera plus belle. Te foutre en l'air à cause d'elle. Non. Fais pas la gueule, c'est pas la seule, t'en trouveras des plus belles. Ouais. Fais pas l'égoïste, arrête de penser qu'à toi. Arrête. Tu comptes laisser tes proches en sautant de ce toit. Je suis venu rapper pour la bonne cause. Si on se rassemble, on peut faire de bonnes choses. Avançons malgré les dégoûts. Ressaisis-toi, frère, et tiens le coup. Chaque jour, une épreuve dans ce monde. Dans ce monde. Chaque jour a de l'enfer. Quitte ce monde pour l'au-delà. Refrais un coup, tiens le coup jusqu'au bout. Tiens le coup. Une grosse pensée pour les miser sous écrou. Force et courage, c'est ce que je tiens à te souhaiter. Ouais. Quand t'as tes épreuves à surmonter, Ça sert à rien de vouloir tout démonter. Ça sert à rien. Car très vite, tu pourras le regretter. C'est sûr. On est venu interpréter la vérité. La vérité. Smace. Eh ouais, mon pote.